Chapitre 5e. On peut être jeune d'âge et vieux de cœur. Les événements centuplent la vie. Le journal d'Hélène met la preuve que le malheur amène vite la maturité des idées. Le malheur développe l'âme et l'intelligence, et quand il ne nous écrase pas, il nous grandit de 100 coudées. Un jour de douleur fait plus à la vie que des années de repos. Le malheur nous apprend tout, et nous révèle tout ce qui ne s'apprend pas. Si j'avais fait un roman, j'aurais peut-être donné à Hélène le charme de l'innocence et de l'inexpérience. Mais comme j'écris l'histoire vraie, j'ai laissé parler Hélène avec la force et la profondeur d'une intelligence développée par le malheur.